Ce soir, nous consacrons donc cette émission aux entrées triomphales dans l'opéra. Car c'est rare, et c'est bien rare, que le personnage principal que nous découvrons dans un opéra, dont l'opéra porte le nom, que nous découvrions ce personnage dès le début de l'opéra. Nous nous rencontrons bien souvent à la moitié du premier acte, ou bien à la fin du premier acte. Alors, que ce soit cette arrivée du personnage dans l'opéra à la fin du premier acte, pour une œuvre littéraire, ou pour une œuvre théâtrale, ou pour une œuvre cinématographique, on retrouve la même chose. Et c'est un plus. Il est pas vrai, ce mec. Il est pas vrai. J'ai un phare de cancer. T'as mes papiers. Laisse-moi y péter la gueule d'abord. Après. I'm not your guy, I'm not your guy, I'm not your guy, I'm not your guy, I'm not your guy.